la larme à l'œil, le cil fané, la bouche amère. Visiblement tu as un vrai chagrin de Dieu le Père. Je suis prêt à parier qu'un malotru, un ver de terre, t'a donné son congé, te plantant là dans la misère. J'arrive à point nommé pour te remonter la lumière. Pleure pas, pleure pas, je suis là pour t'aider. Pleure pas, pleure pas, on va se l'oublier. Pleure pas, pleure pas, on est des millions à se poser les mêmes questions. On dirait que tu tombes en chute libre d'un coin de ciel, que tu ne tentes pas de t'accrocher à l'arc-en-ciel, que tout s'est arrêté quand s'est arrêté son amour. Faudrait que tu comprennes que demain c'est un autre jour. Fais-nous un petit sourire, allez, fais-nous un petit sourire. Mais pleure pas, pleure pas, on est là pour t'aider. Pleure pas, pleure pas, on va se l'oublier. Pleure pas, pleure pas, les mêmes questions. Ça vous laisse des rides au cœur, tous les chagrins d'amour. Le tien assurément n'est plus tendu comme un tambour. Il faut que tu l'emmènes faire un petit tour esthétique. Va voir un de Funès, un Fernandel, un très comique. Change-toi les idées, allez, change-toi les idées. Pleure pas, pleure pas, on est là pour t'aider. Pleure pas, pleure pas, on va se l'oublier. Pleure pas,